C'est à peu près à ce temps-ci que se rapporte un événement, peu important à lui-même, mais qui a eu pour moi des suites et qui a fait du bruit dans le monde quand je l'avais oublié. Toutes les semaines, j'avais une fois la permission de sortir. Je n'ai pas besoin de dire quel usage j'en faisais. Un dimanche, que j'étais chez maman, le feu prit un bâtiment des Cordeliers attenant à la maison qu'elle occupait. Ce bâtiment, où était leur four, était plein jusqu'au comble de fascines sèches. Tout fut embrasé en très peu de temps. La maison était en grand péril et couverte par les flammes que le vent y portait. On se mit en devoir de déménager en hâte et de porter les meubles dans le jardin, qui était vis-à-vis mes anciennes fenêtres et au-delà du ruisseau dont j'ai parlé. J'étais si troublé que je jetais indifféremment par la fenêtre tout ce qui me tombait sous la main, jusqu'à un gros mortier de pierre qu'en tout autre temps j'aurais eu peine à soulever. J'étais prêt à y jeter de même une grande glace si quelqu'un ne m'eût retenu. Le bon évêque, qui était venu voir maman ce jour-là, ne resta pas non plus oisif. Il l'emmena dans le jardin, où il se mit en prière avec elle et tous ceux qui étaient là. En sorte qu'arrivant quelque temps après, je vis tout le monde à genoux et mi-mi comme les autres. Durant la prière du saint homme, le vent changea, mais si brusquement et si à propos que les flammes qui couvraient la maison et entraient déjà par les fenêtres furent portées de l'autre côté de la cour, et la maison n'eut aucun mal. 2 ans après, M. de Bernex étant mort, les Antonins, ses anciens confrères, commencèrent à recueillir les pièces qui pouvaient servir à sa béatification. À la prière du père Boudet, je joignis à ces pièces une attestation du fait que je viens de rapporter, en quoi je fis bien. Mais en quoi je fis mal, ce fut de donner ce fait pour un miracle. J'avais vu l'évêque en prière, et durant sa prière, j'avais vu le vent changer, et même très à propos. Voilà ce que je pouvais dire et certifier. Mais qu'une de ces deux choses fût la cause de l'autre, voilà ce que je ne devais pas attester, parce que je ne pouvais pas le savoir. Cependant, autant que je puis me rappeler mes idées, alors, sincèrement catholique, j'étais de bonne foi. L'amour du merveilleux, si naturel au cœur humain, ma vénération pour ce vertueux prélat, l'orgueil secret d'avoir peut-être contribué moi-même au miracle, aidèrent à me séduire. Et ce qu'il y a de sûr est que si ce miracle eût été l'effet des plus ardentes prières, j'aurais bien pu m'en attribuer ma part. Plus de 30 ans après, lorsque j'eus publié les lettres de la montagne, M. Fréron déterra ce certificat, je ne sais comment, et en fit usage dans ses feuilles. Il faut avouer que la découverte était heureuse, et l'à propos me parut à moi-même très plaisant. J'étais destiné à être le rebut de tous les états. Quoique M. Gatier eût rendu de mes progrès le compte le moins défavorable qui lui fût possible, on voyait qu'il n'était pas proportionné à mon travail, et cela n'était pas encourageant pour me faire pousser mes études. Aussi, l'évêque et le supérieur se rebutèrent-ils, et on me rendit à Mme de Varan comme un sujet qui n'était pas même bon pour être prêtre. Au reste, assez bon garçon, disait-on, et point vicieux. Ce qui fit que malgré tant de préjugés rebutants sur mon compte, elle ne m'abandonna pas.